chambre, mais c'est pas possible, aère un petit peu. Ah, mais comment tu fais pour vivre dans une porcherie pareille, j'y crois pas. Ah, mais c'est une infection. Mais c'est ton lit qui sent comme ça. Mais c'est dégoûtant. Ah, il faut nettoyer. Je vais pas être là pour nettoyer tout le temps. Hein. Bon, je le fais cette fois-ci. Mais il y a un truc en dessous. Oh, c'est dégoûtant. Attends, je vais t'enlever ça. Mais ça bouge. Mais qui c'est que ça?